Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Et j'en profite pour vous rappeler, si vous avez manqué une partie de l'émission, que nous sommes aussi en rediffusion toutes les semaines, le mardi matin à 10 heures. Revenons donc à notre récit historique, et nous sommes maintenant rendus au deuxième point de notre troisième chapitre, un point qui s'intitule « Le légisme et les réformes d'État de Qin ». On a longtemps attribué tout le mérite de l'unification impériale de la Chine au premier auguste souverain, Qin Shi Huangdi, puisque c'est effectivement ainsi que l'histoire fut d'abord présentée. Cependant, force nous est de constater que malgré le fait qu'il joua un rôle de premier plan dans l'histoire, lorsque vient le temps d'analyser l'unification impériale à proprement parler, Qin Shi Huangdi n'est en fait que la personne qui a accompli un processus historique amorcé longtemps avant son règne. En bref, Qin Shi Huangdi représente l'image de l'unification impériale, mais il n'en est pas l'initiateur. En fait, le début de la conquête de Qin contre les autres royaumes débuta aux environs de 314 avant notre ère. Et la conquête s'amplifia sous le règne du futur premier empereur, le prince Yingcheng, né en 259 avant notre ère et couronné roi de Qin en 247. Sur le plan des gains territoriaux, le royaume de Zhou tomba dès 249 aux mains de Qin. Puis le royaume de Han tomba en 230, Chao en 228, Wei en 225, Chu en 223, Yan en 222, et finalement, le royaume de Qi tomba en 221 avant notre ère. Il est à noter que l'objectif de l'unification impériale, c'est d'abord un objectif de conquête et de domination. C'est un objectif qui est partagé par plusieurs des principautés de l'époque des royaumes combattants. À cet égard, donc, on peut dire que le royaume de Qin a simplement mieux réussi que tous ses autres rivaux. En fait, l'unification impériale de 221 a été planifiée et elle s'appuie sur un ensemble de réformes et de mesures politiques centralisatrices qui ont été mises en œuvre dans le royaume de Qin depuis environ 200 ans avant la date fatidique. Ainsi, le projet de l'unification, tel qu'il se développe et se conçoit, c'est d'abord le projet et le fruit de l'idéologie légiste. Dans le contexte des 100 écoles de pensée, l'idéologie légiste était particulièrement bien enracinée dans le royaume de Qin. Et c'est elle qui fit en sorte que les quatre modifications précédemment nommées ont abouti à la transformation politique radicale représentée par l'unification impériale de 221 avant notre ère. Le légisme, ou Fatia, est devenu un grand rival de l'école des ritualistes. C'est une école de pensée qui se démarquait de toutes les autres, en rejetant les notions d'un passé idyllique associé à la royauté des Zhou, tout en projetant dans l'avenir la création d'un État fort comme seul gage d'unité. À titre d'exemple, on trouve un passage très détaillé dans le Han Feizi au sujet de la relation entre le passé et le présent. Dans les temps anciens, les hommes ne labouraient pas et les fruits de la végétation suffisaient à les nourrir. Les femmes ne travaillaient pas et les peaux des bêtes suffisaient à vêtir l'humanité. Sans effort, on avait tout à profusion. La population étant peu nombreuse, tandis que les biens abondaient, les conflits étaient ignorés. Mais de nos jours, les hommes se sont multipliés, tandis que les biens se sont raréfiés. Maintenant, il leur faut travailler dur pour tirer une maigre subsistance, en sorte que, devenu âpre au gain, il se dispute la moindre miette. Et l'on a beau doubler les récompenses et aggraver les supplices, on ne parvient pas à mettre fin au désordre. Comme l'explique Nicolas Zuféré, pour les légistes, et je cite, « la référence nostalgique au passé et aux valeurs de l'Antiquité ne sert à rien, car ces valeurs sont inadaptées à des circonstances nouvelles. » Fin de la citation. Les légistes partageaient donc l'aspiration à l'unité que les autres courants de pensée avaient. Mais c'est en se tournant vers l'avenir qu'ils imaginaient cette unité, et non en contemplant vers le passé. De nombreux penseurs et philosophes sont associés à ce courant d'idées politiques, incluant Shang Yang, Shen Tao et surtout Han Fei, qui nous offre certainement la synthèse la plus accomplie des idées légistes. Plusieurs hommes politiques ont aussi été marqués par ce courant idéologique, ayant par ailleurs une influence considérable sur les politiques du gouvernement. Parmi ces hommes politiques, on note Lü Puwei, ayant vécu entre 291 et 235 avant notre ère. Ce dernier fut grand conseiller, Cheng Xiang, sous les Qin, ce qui correspond à la fonction de premier ministre. Lü Puwei était aussi très proche du père de Ying Cheng, le futur premier empereur. Un autre acteur politique important parmi les légistes de l'époque fut Li Si, considéré par plusieurs comme l'artisan de nombreuses réformes. Ce dernier fut d'abord un étudiant de Sun Tzu et il était co-disciple de Han Fei. Puis, il entra au service de la cour de Qin en 247 avant notre ère. En soi, le légisme est une théorie de l'État, une théorie qui s'adresse essentiellement au souverain, en lui proposant des modalités claires à mettre en application pour une gestion politique efficace. Dans le contexte de crise et de perte des repères qui est associé à la période des royaumes combattants, l'objectif de cette théorie politique était tout simplement de trouver une manière efficace de restaurer et maintenir l'ordre, et ce, pour le bénéfice du pouvoir politique. Concrètement, le légisme repose en fait sur deux principes fondamentaux, deux idées maîtresses. D'abord, on trouve l'idée voulant que l'efficacité politique dépend d'une capacité d'adaptation aux changements et aux circonstances de toutes sortes. Par conséquent, le rejet du passé devient systématique, comme nous l'avons évoqué dans l'extrait du livre de Han Fei cité un peu plus tôt. Ensuite, comme deuxième point, on retrouve l'idée que les êtres humains sont des êtres de passion et qu'ainsi, l'art de gouverner de manière efficace doit reposer sur le fait d'apprendre à canaliser les forces et organiser les passions, en jouant principalement sur l'appât du gain, le désir et la peur. Les deux clés essentielles du pouvoir politique sont, selon le légisme, de récompenser et de punir. Et le contrôle efficace exercé par le souverain dépend pour sa part de trois choses qui sont, premièrement, la position du pouvoir, deuxièmement, les moyens de gouverner, et troisièmement, l'efficacité de la loi. Pour le légisme, lorsque chaque personne agit en se limitant à ce que sa position lui prescrit de faire, sans plus, sans moins, l'ordre politique est à son comble. Et c'est ainsi qu'on sait la loi efficace. Pour être efficace, la loi doit d'abord être universelle, au sens que personne ne peut prétendre ignorer la loi. Cela implique une saine communication et la mise en œuvre de moyens pour favoriser la diffusion de la connaissance de la loi. La loi doit aussi être rigoureusement appliquée et elle se doit d'être impartiale et donc ne faire aucun favoritisme, peu importe qu'il soit question de rang, d'honneur ou de naissance. Finalement, la loi doit aussi être appliquée de manière implacable, c'est-à-dire n'avoir aucune pitié en fonction des circonstances. L'empreinte très forte du courant de pensée légiste vient donc s'ajouter aux facteurs qui ont favorisé l'unification dont nous avons parlé précédemment. Et ensemble, ils ont mis la table pour les réformes spécifiques du royaume de Qin qui vont favoriser la mise en œuvre de l'unification impériale. Ces dernières réformes vont avoir un impact durable sur les structures de pouvoir de toute l'histoire de la Chine impériale. D'abord, on instaure de nouvelles divisions administratives entre les commanderies, Tun, et les comtés, Xian, qui permettent de rationaliser efficacement les effectifs disponibles grâce à la tenue de recensements réguliers. Ces divisions administratives permettent d'optimiser les récoltes de taxes et d'impôts et elles contribuent à une meilleure mobilisation des populations selon les besoins de l'État. À ces divisions territoriales s'ajoutent trois échelons administratifs, soit le gouvernement civil, un gouvernement militaire et un inspecteur impérial, qui s'assure d'avoir la mainmise sur les réseaux d'échange et la production. Parmi les autres mesures essentielles de Qin, notons la standardisation de la monnaie, la standardisation des poids et des mesures, la standardisation de l'écriture avec un système de clés permettant une meilleure classification des sinogrammes. Grâce à ces réformes, le royaume de Qin fut en mesure d'unifier l'ensemble du territoire occupé par les principautés de l'époque des royaumes combattants, afin d'établir un système politique centralisé autour de la personne du roi de Qin. Et pour consacrer le tout, Ying Cheng changea ce titre de royauté et il prit le nom du premier auguste souverain de Qin, Qin Shi Huangdi. C'est ainsi que le système politique impérial de la Chine est né. Et même si l'unification politique passa par une standardisation généralisée des usages sur les plans socio-économiques, politiques et culturels, l'unification ne parvint pas à établir un modèle dynastique pérenne. La dynastie Qin fut fondée en 221 avant notre ère. Et elle s'effondra presque aussitôt, après seulement 15 ans, soit en 206 avant notre ère. Cette absence de durabilité de la dynastie Qin s'explique par de nombreux facteurs qui ont comme point commun une profonde animosité à l'égard du pouvoir du premier empereur. D'abord, il y a de l'animosité, pour ne pas dire une profonde rancune, qui vient de la part des grandes familles de la noblesse, représentant l'aristocratie qui a été dépossédée en quelque sorte de ses nombreux pouvoirs et de l'ascendant qu'elle exerçait sur la population. Ensuite, on note un profond mécontentement populaire à l'égard du pouvoir impérial, notamment parce que le système pénal mis en place est jugé trop rigide et trop sévère. Tout cela vient s'ajouter au fardeau fiscal et physique qui est excessivement lourd à porter pour la population. On le voit par exemple avec les opérations militaires qui deviennent trop nombreuses et très coûteuses, surtout celles qui ont lieu après la fin de l'unification de 221. la nouvelle dynastie Qing étant alors son désir d'expansion et de conquête, cherchant à se rendre jusqu'au Gansu, la Corée, le Fujian et même le Vietnam. Par ailleurs, l'ampleur des grands travaux à l'époque de la dynastie Qin aggrave la lourdeur du fardeau et de l'épuisement qui pèse sur la population. On note par exemple la construction des villes, des routes, les palais, les digues, les canaux et même des tronçons de murailles dans le nord du pays, et bien sûr la construction du mausolée du premier empereur. Finalement, les lettrés ont aussi accumulé une très grande animosité à l'égard de Qin Shi Huangdi, notamment en raison du grand incendie des livres de 213 avant notre ère et de l'assassinat de 460 lettrés dont on dit qu'ils furent enterrés vivants. Le premier empereur mourut en 210 avant notre ère et son fils et successeur, le deuxième empereur, n'avait ni son charisme, ni sa prestance, et il ne put empêcher l'éclatement de troubles civils, de révoltes et d'affrontements pour le pouvoir. C'est dans ce contexte de révolte qu'un dénommé Liu Bang renversa la dynastie Qin en 206 avant notre ère pour y fonder une nouvelle dynastie, celle des Han. Mais avant de parler de la dynastie Han, par contre, prenons quelques minutes pour présenter le troisième point du troisième chapitre, consacré cette fois aux héritages de Qin Shi Huangdi, un personnage plus grand que nature. Le premier empereur de Chine a été dépeint à différents moments à travers l'histoire comme étant le père de la Chine ou encore le père de la Grande Muraille. Mais c'est surtout l'image d'un tyran sanguinaire, un tyran mégalomane qui a perduré dans les mentalités jusqu'à environ la deuxième moitié du 20e siècle. En fait, l'essentiel de ce qu'on connaissait de lui et de son règne a été écrit après sa mort et nous a été transmis par l'intermédiaire des lettrés de l'époque de la dynastie Han, période au cours de laquelle le confucianisme est devenu l'idéologie politique dominante. Puisque les lettrés qui étaient associés aux ritualistes furent persécutés par la dynastie Qin, il est donc tout à fait normal d'y trouver beaucoup d'animosité dans les récits historiques qu'ils nous ont légués. Cependant, de nombreuses découvertes archéologiques depuis la deuxième moitié du 20e siècle ont contribué à changer la compréhension que nous avions au sujet du premier empereur, tant à ce qui a trait à l'application rigoureuse du légisme que de cette image de tyran qui lui colla à la peau pendant si longtemps. Parmi les raisons majeures de ce changement de perspective à l'égard du premier empereur, en plus des découvertes archéologiques, il y eut aussi l'image positive que Mao Zedong se faisait du premier empereur et le parallèle qu'il en tira avec sa propre gouvernance de la Chine. Mao présentait Qin Shi Huangdi comme un souverain progressiste, unificateur de la Chine ancienne, ce qui concordait avec l'unification de la Nouvelle Chine en 1949. Par ailleurs, Mao souligna même positivement l'épisode de la destruction des livres et l'extermination des lettrés faite par le premier empereur en 213 avant notre ère. Mais Mao allait encore plus loin que le premier empereur sur cette voie. Selon un témoignage auquel nous avons accès, un témoignage qui date de mai 1958, Mao se serait vanté d'être allé beaucoup plus loin que le premier empereur, qui n'avait tué que seulement 460 lettrés, alors que lui-même venait d'en faire disparaître 46 000. Pour revenir à l'image de Qin Shi Huangdi, une autre raison de ce changement d'attitude à l'égard du premier empereur concerne la découverte accidentelle, en 1974 du tombeau du premier empereur et de l'armée de soldats en terre cuite qui lui sont rattachés. Cette découverte archéologique de premier plan fit en sorte que le premier empereur de Chine commença à être présenté davantage comme un des symboles culturels par excellence de la Chine impériale. Depuis lors, quand on parle de Qin Shi Huangdi, on souligne principalement son rôle d'unificateur et le fait que le système politique qui fut mis en place à partir de 221 avant notre ère est un système qui alla sans remise en question significative pendant pratiquement 2000 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1911. Je m'arrête ici pour la portion histoire et nous continuerons le troisième chapitre la semaine prochaine. Pour le moment, nous sommes déjà rendus à la troisième pièce musicale de la journée et nous revenons donc vers le feu pour venir clore cette émission. Nous avons vu que le feu était une parole. Nous avons vu que le feu était une danse et pour terminer aujourd'hui, nous verrons que le feu, c'est tout ça à la fois, mais bien plus encore. C'est un feu d'artifice qui rayonne entre les gens. C'est un peu la signification du titre de la prochaine chanson, « Zhentian Yanho ». La chanson évoque la nostalgie d'un amour profond, un feu si fort entre les êtres que même les arbres en ont déjà fleuri. Mais l'expression « Zhentian Yanho », c'est une expression qui désigne la bouffe qu'on partage entre nous. Et aussi, par extension, toutes les petites choses ordinaires de la vie que nous partageons et qui nous relient les uns aux autres. Bref, la vie mondaine dans ce sens le plus brut. Le feu entre nous, c'est comme une culture qu'on se partage, comme une culture de vivre qui se propage. Et je ne peux m'empêcher, en racontant cette histoire, de penser à une entrevue récente de l'auteur Leila Slimani, qui parlait de son plus récent livre intitulé « J'emporterai le feu ». Ce feu qu'elle racontait, il ressemble exactement, du moins je trouve qu'il me fait penser, à un feu d'artifice entre les gens, la simplicité de la hargne, ce qui nous fait continuer à vivre. Voici donc « Zhentian Yanho », le feu d'artifice entre les gens, chanté par Cheng Xiang. Mon nom est Carl Derry. Je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xia zi zai jian ba. 心。